Après avoir bu de l'alcool, une boisson énergisante réduit l'alcoolémie? Oui, réponse A. Non, réponse B. Réduit les effets de l'alcool? Oui, réponse C. Non, réponse D.